Pour mon anniversaire, je veux qu'on me laisse tout faire. Je veux qu'on, pas qu'on m'interdise, moi je veux faire des bêtises. Pour mon anniversaire, je veux boire de la bière. Je veux danser sur les tables, dans mon salon je veux du sable. Pour mon anniversaire, je veux me rouler dans la terre, puis courir sous la pluie, puis sauter sur mon lit. Pour mon anniversaire, je veux pas me laver derrière, je veux lancer des cailloux, puis taper dans la boue. Pour mon anniversaire, je veux chatouiller grand-mère, je veux manger 30 gâteaux en disant des grands mots. Moi, puisque c'est comme ça, puisque vous ne voulez pas, donnez-moi vos cadeaux, oh chic, un grand vélo. Bon, mais l'année prochaine, faudra pas me faire de peine quand je dirai ce que je préfère pour mon anniversaire. Pour mon anniversaire, je veux qu'on me laisse tout faire. Je veux pas qu'on m'interdise, moi je veux faire des bêtises. Pour mon anniversaire, je veux boire de la bière. Je veux danser sur les tables, dans le salon, je veux du sable. Pour mon anniversaire, je veux me rouler dans la terre, puis courir sous la pluie, puis sauter sur mon lit. Pour mon anniversaire, je veux pas me laver derrière, je veux lancer des cailloux, puis taper dans la boue. Pour mon anniversaire, je veux chatouiller grand-mère, je veux manger 30 gâteaux en lisant des gros mots. Et puisque c'est comme ça, puisque vous ne voulez pas, donnez-moi vos cadeaux, oh chic, un grand vélo. Bon, mais l'année prochaine, faudra pas me faire de peine quand je serai ce que je préfère pour mon anniversaire.